25 novembre dernier étaient rendues les conclusions de la 5e édition du PNGMDR, le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs. Un débat public de 5 mois sur l'avenir à donner à la gestion et au stockage justement de ces fameux déchets nucléaires. Un compte rendu qui survient alors que l'on apprend que dans l'océan Pacifique, le sarcophage en béton de l'île de Renit, qui contient les restes d'essais nucléaires américains effectués à la fin des années 70, est en train de se fissurer et risque à terme d'être englouti par la montée des eaux. Alors que faire de ces déchets? Quelle solution à court, moyen et très long terme? Déchets nucléaires, un débat radioactif, c'est le programme au long cours qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions, et notamment la question centrale que nous aborderons tout à l'heure de la réversibilité, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Bonin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur scientifique du CEA et membre du conseil scientifique de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et nous sommes en ligne depuis Zurich avec Marcos Boser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue et ancien membre de la Commission fédérale de sécurité nucléaire en Suisse. Nous retrouverons tout à l'heure, comme tous les mercredis, au cours de l'émission, notre doctorant du jour que je salue puisqu'il est avec nous en studio. Bonjour Charlie Carrière. Bonjour. On entendra vos travaux tout à l'heure autour de l'influence de la corrosion du fer sur les processus d'altération du verre. Mais tout de suite, pour commencer comme tous les jours, elle irradie jour après jour l'actualité scientifique des rayonnements ionisants de la connaissance. C'était pas terrible, ça faisait longtemps, mais ça nous avait manqué un peu. Bonjour Natacha Triou. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Molecular Psychiatry. Des réseaux cérébraux qui tiennent un rôle dans le risque de suicide viennent d'être identifiés. On peut rappeler que 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, une toutes les 40 secondes, que c'est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Et pourtant, on en comprend mal les mécanismes cérébraux. Une équipe internationale a réuni 20 ans de recherche et d'imagerie cérébrale de personnes à risque. En tout, plus de 130 études qui concernent plus de 12 000 patients, avec tous un diagnostic de dépression majeure, de troubles bipolaires ou de stress post-traumatique. Sur cette même population, les chercheurs ont comparé ceux qui avaient fait des tentatives de suicide et ceux qui n'en avaient pas fait. Les données structurales, fonctionnelles et moléculaires de différentes zones ont été réexaminées et on constate que chez des personnes suicidaires, deux réseaux cérébraux se comportent différemment. Le cortex préfrontal ventral et le cortex préfrontal dorsal. Laurence Lanfumé est directeur de recherche à l'INSERM. Elle travaille au Centre de psychiatrie et neurosciences à Paris. On sait que le cortex préfrontal ventral, il est impliqué dans les états négatifs, dans l'émoussement émotionnel. Alors que le cortex préfrontal dorsal, il est plus impliqué dans le comportement. Ce qui est vraiment dangereux, c'est quand il y a une altération des deux, parce que les idées suicidaires peuvent être traduites par un passage à l'acte. En ce qui concerne le cortex préfrontal ventral, ils ont vu qu'il y avait une hyperactivation, en fait, et ce qui voudrait dire que les patients ont un besoin d'un plus grand engagement de ces structures pour avoir la même performance comportementale. En ce qui concerne le cortex préfrontal, la partie dorsale, il y a des altérations à la fois dans trop d'activation ou trop d'inhibition. Il y a un déséquilibre. Pour essayer de prévenir les tentatives de suicide et le suicide, il est important de connaître les structures, faire une sorte de biomarqueur du risque. Et on peut voir que lorsqu'il y a des modifications à la fois structurelles, fonctionnelles, et ils ont vu aussi qu'il y avait des modifications d'un neurotransmetteur dont on sait qu'il est impliqué dans la dépression, qui est la sérotonine, qui est la cible d'ailleurs des antidépresseurs actuels. Eh bien, s'il y a une modification de ces deux structures, eh bien, c'est vraiment dangereux parce que il peut y avoir un passage à l'acte. Et évidemment, vous pouvez retrouver, comme tous les jours, l'étude et les études qui vont être évoquées dans ce journal des sciences ainsi que dans l'émission sur notre site. Sur le site de la méthode sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Une équipe internationale vient de découvrir une protéine responsable du renouvellement des cellules souches du sang. Oui, ces résultats viennent de paraître dans la revue Nature. Après une série d'expériences en laboratoire, l'équipe a découvert que la protéine générée par le gène MLLT3 est liée au renouvellement des cellules souches hématopoïétiques, les cellules souches sanguines. Lorsque ce gène est inséré dans les cellules souches sanguines multipotentes, elles s'auto-renouvellent 12 fois plus. Les auteurs pensent que cela pourrait permettre de créer des cellules souches sanguines à partir de cellules souches pluripotentes. Pour les traitements des maladies du sang, c'est une avancée importante. Amazon entre dans la course au quantique avec les processeurs quantiques basés sur le cloud. Et la firme ne cherche pas à construire un ordinateur quantique, mais après Google, IBM et Microsoft, Amazon entre dans le marché du cloud computing quantique. Elle vient d'annoncer un partenariat avec 3 startups pour la création d'Amazon Braket, un accès en ligne à des prototypes de processeurs quantiques. Les clients vont pouvoir créer des algorithmes qu'ils pourront ensuite tester sur des ordinateurs quantiques simulés. Et enfin, l'année se termine avec les chiffres de l'Organisation météorologique mondiale. 2019 est la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Oui, la décennie 2010-2019 est la décennie la plus chaude de toutes. Depuis janvier, la température moyenne mondiale a été plus élevée de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et pour citer ce rapport, l'année 2019 marque la fin d'une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul des glaces et d'élévation record du niveau de la mer à l'échelle du globe, en raison des gaz à effet de serre produits par les activités humaines. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Du 17 avril au 25 septembre de cette année, le débat public sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, le PNGMDR, a donné lieu en tout à 23 réunions à Paris en province, avec pour ambition de proposer aux citoyennes et aux citoyens les explications d'un panel d'experts qui recueille les paroles, les inquiétudes et les préoccupations autour du sort à donner aux déchets nucléaires produits aussi bien par l'industrie nucléaire que par l'armée, l'hôpital, les laboratoires de recherche et j'en passe. C'est dire l'ambition, en tout cas, de nos pouvoirs publics, de déminer un débat particulièrement sensible en l'absence de solutions de recyclage intégral de ces déchets radioactifs et de l'éruptivité des questions liées à l'enfouissement profond. Une question sensible exactement concomitante avec le développement du nucléaire civil, comme en témoigne cette archive. Nous sommes en 1955. Il s'agit du compte-rendu de la conférence de Genève sur le nucléaire. Elle a été diffusée sur la radiodiffusion française. Les constatations sont de même rassurantes au sujet de la grave question des déchets radioactifs dont on était en droit de se demander s'ils ne vont pas empoisonner la planète. Or, disent les experts, le danger n'est pas alarmant pour l'instant. Primo, tant que le nombre de réacteurs en service sera faible, il n'y a pas de risque sérieux. Secondo, d'ici à ce que ce risque soit plus grand, les chimistes ont chance de trouver le moyen de les transformer de façon utile. De toute façon, l'élimination des déchets est à présent davantage une question de prix de revient que de difficultés techniques. 3 solutions sont possibles: les ensevelir lentement au fond des mers, les enterrer dans des caissons imperméables, ou encore séparer les produits de fission en tenant compte de leur période, c'est-à-dire de la longueur de leur durée. Voilà, nous sommes en 1955. A priori, pas de difficultés techniques, nous dit-on. Plusieurs options, juste une question de moyens. Qu'est-ce que vous en pensez a posteriori, Bernard Bonin ? Je pense que sous la pression de la société civile, qui a demandé à en savoir plus sur la sûreté de cette gestion des déchets, des études ont été menées, et plus il y a eu d'études, plus il y a eu de questions ouvertes. On n'est pas encore tout à fait au bout de ces questions, même si je pense qu'on peut dire raisonnablement qu'il y a un consensus parmi les experts pour dire que il y a effectivement des solutions. Marcos Sabozer, que pensez-vous de cette archive ? Alors, je trouve que c'est très intéressant de voir en 1955 l'estimation, disons, de ce problème des déchets radioactifs. On a sous-estimé effectivement la difficulté à réaliser des dépôts géologiques sûrs et à long terme. Et on le voit d'ailleurs à travers toute une série d'installations au monde qui n'ont pas fonctionné. Mais ce qui est quand même très très intéressant, c'est qu'on a soulevé déjà la question lors de la première conférence internationale à Genève en 1955. Donc on était tout à fait conscient qu'il y avait un problème et que ces matières étaient dangereuses. Et de ce côté-là, ce qu'on peut dire, c'est que ce processus de réflexion n'a pas été mené à bout. Et je trouve c'est dommage parce que nous avons actuellement une situation assez désolante dans le monde avec les environ 400 000 tonnes de déchets de haute activité qui sont stockés un peu partout. On entend, hein, parce que là je vous ai diffusé l'une des archives, mais on disposait de plusieurs archives, et on entend hein, à cette époque, c'est-à-dire à la fin des années 50, que il y a deux choses très nettes, c'est-à-dire que il y a le problème finalement qui est le problème posé par le temps très long, et on va y revenir, que posent certains et une seule partie de ces déchets, là aussi on y reviendra, mais surtout la confiance absolue que... Oui. Plus tard, on trouvera une solution, que c'est entre nos mains, que c'est juste là et qu'il s'agit de les mettre dans un coin pendant quelques temps, le temps qu'on trouve une solution. On est 70 ans après, quasiment, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution pérenne de recyclage intégral, en tout cas, Marcos Boser. Oui, absolument, je suis entièrement d'accord, et c'est-à-dire toutes les solutions qui ont été avancées n'ont pas fonctionné. Par exemple, l'idée de transmuter, par exemple, les déchets de haute activité, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, très coûteux, très long terme, donc principalement ça fonctionne pas. Donc la seule solution actuellement qui nous reste à disposition, c'est le stockage géologique en profondeur, mais il y a aussi beaucoup de questions qui s'ouvrent sur ce domaine, et je ne suis pas sûr qu'on trouvera rapidement une solution à ces problèmes. Bernard Bonin, l'idée que la solution définitive, c'est-à-dire finalement de rendre ces matériaux non radioactifs, aujourd'hui elle n'est plus à portée de main comme on pouvait l'imaginer quand on entend ces archives des années 50. Non, je partage l'opinion de Marcos Boser sur le fait que transformer ces matières radioactives en quelque chose de non radioactif, par une action humaine est pratiquement hors de notre portée actuellement. La démarche a été tentée pour les produits de fission. Ça coûte tellement cher en neutrons, hein, parce qu'on transmuterait à coups de neutrons, que c'est pas envisageable. Par contre, elle est envisageable pour une autre catégorie de radionucléides qu'on retrouve dans les déchets, les actinides. Qui sont, vous pouvez nous préciser en quelques mots? Les actinides, c'est des noyaux qu'on retrouve dans les déchets parce qu'ils résultent de l'irradiation de noyaux lourds, uranium, par des neutrons, et ces noyaux lourds, au lieu de fissionner, qui est la réaction souhaitée dans un réacteur, absorbent le neutron sans se casser. Donc créanisotope plus stable. Créanisotope, pas forcément plus stable, mais plus lourd. Oui. Plus lourd, qui lui-même peut capturer à son tour un neutron, etc., et générer comme ça par le jeu des captures de neutrons et des décroissances radioactives des noyaux de plus en plus lourds, comme, alors je peux les citer, c'est le plutonium, tout d'abord, ensuite l'américium, le neptunium, le curium. Voilà. Ces noyaux-là, qui sont des gros noyaux, sont par essence fragiles, et là, il y a un véritable espoir, ou possibilité, de les transmuter, en particulier dans des réacteurs à neutrons rapides. Voilà. Et cette technologie-là changeait, notablement, la face de la gestion des déchets, si on la mettait en œuvre. Alors, on prend le problème. En fait, ça devait être ma dernière question, mais finalement, pourquoi pas commencer par là. J'aimerais tout de même, avant qu'on passe et qu'on parle un peu de ces déchets, parce qu'on dit les déchets radioactifs, comme ça, c'est une sorte d'ensemble un peu informe, alors qu'au contraire, il y a une typologie très nette, et évidemment, chaque type de déchets appelle une réponse différente. Mais j'aimerais que vous me disiez un mot, peut-être avant, Bernard Bonin, de ce cinquième PNGMDR, ce cinquième débat public sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Le rapport vient d'être rendu il y a quelques jours à peine. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi servent en fait finalement ces consultations? Qu'est-ce qu'on en tire, et pourquoi le gouvernement les met-il en place sur une base régulière? Je crois qu'ils sont indispensables dans une société démocratique comme la nôtre. Il faut que le public puisse se faire entendre, et par conséquent, je salue la démarche. Bien entendu. Maintenant, je suis un petit peu déçu sur son résultat. D'abord parce qu'il y a eu une participation relativement faible, avec assez peu de cahiers d'acteurs. Ensuite, parce que le débat s'est orienté très largement sur des questions éthiques, au détriment des questions techniques. Alors, j'ai rien contre un débat sur l'éthique, bien entendu, mais à condition que le débat en question soit sous-tendu par une bonne connaissance des questions techniques. Et j'ai pas l'impression que ça soit le cas, au moins dans toutes les têtes. Voilà. Donc, moi, je suis content de participer à une émission comme celle-ci, parce que justement, on va parler un peu de science, sans préjudice pour l'éthique, mais après. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc dans la méthode scientifique des déchets nucléaires et radioactifs et des solutions scientifiques, effectivement, de leur recyclage et de leur traitement. Nous en parlons avec Bernard Bonin qui est ici avec nous à la Maison de la Radio et nous sommes en ligne depuis Zurich avec Marcos Buzer. Alors pour repartir depuis le début de la chaîne, justement, pour faire un peu de topologie, je le disais à l'instant, Marcos Buzer, on parle de déchets nucléaires, mais il y a différents types qui appellent différentes réponses. Absolument, absolument, et c'est-à-dire, Monsieur Bonin l'a déjà un peu dit, donc il y a des déchets qui viennent, disons, directement des réacteurs, disons dans la partie civile, mais il y a toute une série de déchets qui nous proviennent de la médecine, de la recherche et des industries. Et surtout ces déchets, disons, qu'on appelle faiblement et moyennement radioactifs, sont des déchets qui sont relativement, ils ont beaucoup moins de radioactivité. Par contre, il y a des matériaux divers dans lesquels cette radioactivité est dedans. Donc, ça pose un problème parce que vous avez des matériaux de plastique, vous avez des bitumes, vous avez du béton, etc. Donc, vous avez une grande variété de matériaux dans lesquels ces substances radioactives sont dedans. Et disons au moment de traiter ces déchets et de les enfouir quelque part, vous commencerez à avoir beaucoup plus de problèmes que si vous avez un monodéchet, je dirais, comme c'est le cas par exemple pour les déchets de haute activité, où vous avez soit des déchets retraités et vitrifiés, soit vous avez des barres de combustible usées que vous mettez directement dans le sous-sol. Donc je pense qu'on sous-estime souvent le problème, disons, des déchets de basse et moyenne activité, pour cette variété très grande de substances qu'ils contiennent. Peut-être qu'on peut faire un point, Bernard Bonin. On vient de vous poster le tableau donc sur notre fil Twitter @laméthodefc que vous pouvez retrouver sur le site de la méthode scientifique pour l'avoir sous les yeux. Il y a des catégories en fait. Il y a un tableau qui classifie les déchets en 6 catégories en fonction de 2 paramètres qui sont la radioactivité et la demi-vie. Oui, alors effectivement, il faut d'abord préciser, je crois, d'où viennent les déchets radioactifs. On en produit tout au long de ce qu'on appelle le cycle du combustible. Et ça commence à la mine. Parce que le combustible nucléaire, c'est essentiellement de l'uranium, n'est-ce pas ? Et cet uranium est tiré de la terre, d'une mine. Et l'exploitation de cette mine et l'extraction de l'uranium produit des déchets. C'est une première catégorie de déchets qui est un petit peu à part. Qui rentre pas exactement dans cette classification, mais on aura l'occasion d'en reparler. Justement, mais je pense utile de la mentionner. Pourquoi ? Parce que, en réalité, même si elle est pas sous le feu des projecteurs, cette catégorie des déchets miniers, elle a un impact radiologique qui est immédiat. Dès l'exploitation de la mine, qui n'est pas différée comme pour certaines autres catégories de déchets, et en plus cet impact est non négligeable. Voilà. Donc par souci de pour être complet, bien sûr, j'ai voulu mentionner. Ensuite, si on poursuit le fil du cycle du combustible, on voit que l'enrichissement de l'uranium produit également non seulement de l'uranium enrichi, mais également de l'uranium appauvri. Je voudrais souligner que cet uranium appauvri peut être considéré par certains comme un déchet. En réalité, il ne l'est pas. Il ne l'est pas si on tient en compte le fait que cet uranium appauvri peut avoir une utilisation ultérieure, en particulier dans d'éventuels futurs réacteurs à neutrons rapides. comme combustible. Ensuite, je poursuis toujours le fil du cycle du combustible. On fabrique le combustible, on le met en réacteur, et c'est là qu'on produit l'essentiel de la radioactivité liée à l'activité industrielle. L'irradiation de ce combustible par les neutrons du réacteur produit des produits de fission, et puis produit ces actinides dont on parlait précédemment. Selon ce qu'on fait de ce combustible usé, on a différentes options pour la gestion des déchets. Il y a des pays comme par exemple les États-Unis ou la Suède qui considèrent le combustible usé comme un déchet parce qu'ils n'en ont plus l'usage ultérieur. Donc le combustible usé lui-même est un déchet. D'autres pays, et la France en fait partie, pratiquent le traitement et le recyclage de ce combustible usé pour récupérer ce qui est valorisable dedans, à savoir l'uranium et surtout le plutonium qui s'est formé pendant l'irradiation en réacteur, et conditionnent les déchets ultimes, c'est-à-dire les actinides mineurs et les produits de fission, dans une matrice vitreuse. Donc on n'a pas du tout le même objet déchet. En fonction du pays, de la politique traitement de ces déchets des centrales nucléaires. Voilà, donc ensuite, j'aurais dû dire aussi que lors de l'exploitation des réacteurs, on produit d'autres déchets de plus faible activité que ceux issus du combustible usé, qui sont par exemple les résines échangeuses d'ion, tous les déchets dits technologiques, qui eux sont des déchets en général de catégorie moyenne activité. Alors juste pour les auditeurs, pour qu'on soit bien clair, parce que et merci d'avoir fait ce cycle effectivement depuis la mine jusqu'à la fin de l'utilisation du combustible nucléaire dans une centrale, c'est une part de ces déchets nucléaires, mais juste est-ce qu'on peut dire un mot de la classification en fonction une fois de plus de la radioactivité de la demi-vie? Absolument. Parce que quelle que soit finalement la provenance, même si on va voir que certains déchets sont plus particulièrement dans une de ces catégories-là, finalement tout ça n'est évidemment pas noir ou blanc, toutes les cases ne sont pas imperméables, et on a une typologie qui permet tout de même de donner ou de standardiser une forme de réponse et de traitement de ces déchets nucléaires. Oui, alors les déchets sont classés selon deux grands critères. D'abord, la durée de vie des radionucléides qu'il contient, et on dit qu'on a affaire à des déchets à vie courte si cette durée de vie est inférieure à 30 ans, et durée de vie longue si elle est supérieure à 30 ans. Ensuite, on a affaire à des déchets de très faible activité, moyenne activité ou haute activité, selon le nombre de désintégrations dans le déchet par unité de masse qu'on a. Et alors là, l'échelle est très très grande, puisque les déchets de haute activité, eux, ça correspond à 10 puissance 13 désintégrations bêta par kilogramme, alors que les déchets de moyenne activité, c'est 1000 fois moins, etc. Jusqu'aux déchets de très faible activité, dont la radioactivité est comparable à celle d'un corps humain. Voilà, c'est ça. Un mot peut-être, Marcos Buzer, pour à propos de cette classification. Effectivement, il y a les déchets dont nous allons principalement parler, ce sont ceux de moyenne activité et de haute activité qui appellent pour le coup à des solutions plus radicales parce que simplement, comme vient de l'évoquer Bernard Baudin, leur radioactivité est beaucoup plus forte d'une part et beaucoup plus longue d'autre part. Absolument, et surtout c'est évidemment les déchets non seulement de haute activité mais aussi les déchets qui contiennent des actinides. Et ces déchets qui contiennent ces actinides, par exemple, ils proviennent aussi de la fabrication du cycle militaire, où nous avons évidemment de grandes quantités de plutonium et d'actinides, d'autres actinides, qui sont produites et qui se retrouvent, disons, dans les déchets. Donc, une des grandes installations, par exemple, aux États-Unis, qui accueille ces déchets, c'est le Waste Isolation Pilot Plant. Le WIP. Le WIP, exactement, en Nouvelle-Mexique, et qui accueille justement ces déchets transuraniens de moyenne et faible activité. Donc, si je synthétise un peu, parce que on va évidemment se concentrer sur la question liée au stockage profond, les déchets dits de très courte vie, les VTC, ou de courte activité, ou de faible activité, eux ne posent pas vraiment de problème pour leur traitement ou pour leur stockage, ou on va pas parler de stockage, mais plutôt d'entreposage, oui. Bernard Bonin. Alors justement, je rebondis sur cette notion de stockage et entreposage. C'est bien de parler un petit peu de terminologie. Bien sûr. On entrepose un déchet quand on a l'idée de lui donner un destin plus pérenne ultérieurement. C'est-à-dire, on le met en bon ordre dans un endroit gardé, entretenu, avec l'idée de lui donner un destin plus pérenne plus tard. Alors qu'on le stocke, justement, on décide de le laisser là pour que les générations futures n'aient pas à s'en préoccuper. Donc, je crois que c'est important parce que dans la gestion des déchets, il y a les partisans de la philosophie. Ne laissons pas aux générations futures la charge de déchets dont nous sommes responsables. Et il y a ceux qui disent, et c'est une philosophie qui tient la route aussi, à mon avis, laissons aux générations futures la possibilité de gérer ces déchets mieux que nous ne savons le faire actuellement. Ça conduit ces deux philosophies à deux voies techniques radicalement différentes. Les tenants de la première philosophie vont vouloir utiliser les meilleures technologies disponibles pour aller vers un stockage. Donc là, on reparle et on va reparler du stockage profond. On parle du stockage profond, alors que les tenants de la seconde philosophie, eux, vont vouloir plutôt plaider pour un entreposage, en attendant un éventuel progrès des sciences et des techniques. Voilà. Bon, moi, je ne me prononcerai pas sur le bien fondé de ces philosophies-là. En tout cas, voilà, je voulais signaler que ça conduit à des options techniques radicalement différentes. Et d'ailleurs, de toute façon, avant d'en arriver au stockage, et nous allons y arriver maintenant que nous avons à peu près en tête cette terminologie, les différents types de déchets dont il est question et leur éventuelle toxicité à court, moyen ou long terme, de toute façon, l'entreposage est une solution initiale avant d'arriver et avant de sélectionner les déchets qui peuvent être éligibles pour un stockage profond. Le stockage profond, puisque vous l'avez dit, Bernard Bonin, c'est la dernière étape. En attendant, ces déchets sont stockés en général à proximité de leur lieu de production. C'est ce qui se passe au CEA. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Vous êtes allé visiter la zone de gestion des déchets radioactifs solides du CEA à Saclay. Oui, avant leur mise au tombeau, les déchets nucléaires suivent un long parcours de traitement. À l'Institut nucléaire de base du CEA, l'enjeu c'est de réceptionner et de caractériser les déchets radioactifs. Il s'agit là en particulier de déchets hautement irradiants qui peuvent provenir de réacteurs, de piles ou bien d'autres équipements contaminés. J'ai retrouvé Fabien Morel, qui est directeur de l'unité assainissement-démantèlement, et Magali Gaillalin, qui est ingénieur. Tous les deux m'ont présenté les étapes successives d'un lot de déchets, emballage, mise en fût, entreposage, confinement, avant la mise au tombeau. Ici, on est dans l'entrée de la zone, en fait, nucléaire de base. Là où nous nous trouvons, en fait, la cellule hautement active est une cellule qui est à ce jour à l'arrêt, mais qui servait exactement au même procédé, enfin la même traitement des déchets irradiants qui arrivaient par les producteurs du centre de Saclay pour du coup être acheminés par la suite en entreposage dans les puits. C'est à vous aujourd'hui, même pour des déchets anciens qui datent des années 80, de procéder à cette caractérisation avant traitement? Oui, pour tout ce qui est déchets historiques, on se doit de les reprendre, de les recaractériser avant de les évacuer vers les exutoires finaux. Donc là, on se trouve devant un exemple d'emballage primaire, donc de 17 litres contenance en fait, qui donne. Quoi, qui ressemble, c'est un cylindre. Donc c'est un cylindre en fait en acier inox, hein, tout simplement, qui peut contenir un certain nombre de déchets irradiants. Cette poubelle nous est envoyée par un emballage de transport pour être après traitée au sein de l'INB 72 pour être compactée par une presse. Donc on a une réduction de volume et une fois qu'on a compressé ces 2-3 galettes, on peut les mettre dans une stratifiée qui est... Une enveloppe en fait qui est en polymère dans lequel on met donc les différentes poubelles qui ont été compressées. Cette poubelle stratifiée est fermée par un bouchon, un couvercle. Et qui sera après, on va couler un espèce de bouchon en résine, donc qui va vraiment fermer cette stratifiée. Donc là, ce sera déjà assez hermétique. isolés. Complètement. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un confinement sûr. Donc ça, c'est la première partie. Et du coup, pour compléter encore et continuer ce confinement, cette stratifiée, une fois qu'elle a un bouchon résiné, sera mise dans un fût de 60 litres en inox, qui sera lui-même après fermé par un couvercle et qui sera serti par une sertisseuse. Est-ce que ce procédé de confinement est valable pour tout profil de déchets ? Alors, c'est principalement pour des déchets irradiants, hautement irradiants. Des déchets faiblement actifs ne font pas partie de ce type de contenant. Par exemple, des produits issus des réacteurs peuvent arriver jusqu'ici ? Ah oui, complètement. Tout ce qui a pu servir, tout équipement, voilà. Donc une fois que ce fût 60 litres, il est produit, il sera mis dans un emballage de transport pour être orienté vers le bâtiment 114 pour être entreposé en puits. Donc ici nous rentrons dans le bâtiment 114 où on est en présence de la piscine sèche. C'est ici qu'on entrepose les crayons ? Alors, les entreposages sont dans la piscine en eau. Ici, ça servait plus ou moins pour du matériel ou pour des essais à blanc. C'est à quelle profondeur ? 7,5 m en moyenne. Du coup, la piscine en eau qu'on aborde, on peut voir à l'intérieur du coup, un certain nombre de racks, de râteliers, où sont entreposés des étuis de combustible qui sont aussi voués à être désentreposés prochainement. Et donc pour sortir ces différents étuis, il y a tout un procédé qui va être mis en place dans les mois à venir, justement pour s'assurer que le combustible à l'intérieur de l'étui est resté intègre. Donc un système de surétui, perçage de l'étui principal, vérification de l'absence de contamination avant le départ vers l'exutoire. Là, nous allons rentrer dans le bâtiment hall puits. Donc là, on est toujours dans le bâtiment 114, on arrive à la zone des puits. Donc là, en fait, on a une série de puits au sol. Alors on a des poubelles de 60 litres qui sont entreposées et on peut aller jusqu'à entre 9, en fonction de la zone des puits concernée, entre 9 à 10 poubelles gerbées. Voilà, donc à l'heure où on parle, on voit qu'il y a des opérateurs qui sont en train de sortir des poubelles de puits pour être du coup mis en cellule de visu au sein de la chaîne de caractérisation pour vérification d'intégrité annuelle. Là, par contre, en sortant de cette zone du bâtiment puits, on effectue du coup un contrôle d'absence de contamination. Donc on est au niveau du contrôleur main-pied. Non contaminé. Tout voilà. On va maintenant envisager que cette poubelle de 60 litres donc, passe par notre atelier mortier-béton. Donc on voit bien que ce système, c'est vraiment un système de poupée gigogne. L'emballage primaire qui a été compressé, etc., a été mis dans une stratifiée, bouchée, fermée, qui elle-même a été mise dans un collief, fermée, sertie, qu'on sort de son entreposage, qu'on met dans un premier fût, qui lui-même sera mis dans un fût pré-bétonné de 200 litres, pour être coulé mortier dans un premier temps, séché. Et ce fût pré-bétonné coulé, entre guillemets, sec, sera mis dans une coque béton pour être après coulé béton puis séché avant d'envisager son expédition, son évacuation. Et là c'est bon. L'emballage final. C'est ça. Mais il faut juste dire que c'est un colis qu'on a traité et qu'on en a un certain nombre à traiter. Voilà le reportage du jour, donc, au CEA, dans cette zone de gestion des déchets radioactifs solides. Peut-être un mot sur ces procédures, Bernard Benin, ou sur ce reportage en général ? Alors, oui, là, vous avez un exemple de pratique sur des déchets relativement spéciaux, parce qu'ils ne sont pas issus de l'industrie. Ils sont issus de laboratoires de recherche. Voilà. Les déchets issus de l'industrie... Eux, c'est ceux principalement qui sont issus de l'exploitation des réacteurs industriels, DDF, hein, et du traitement recyclage du combustible usé. Et là, la gestion de ces déchets passe d'abord par leur conditionnement. Vous avez vu un exemple de conditionnement dans le reportage. Voilà. Un petit mot sur le conditionnement pour les déchets industriels. Les déchets de haute activité vie longue, c'est-à-dire tout ce qui résulte de la séparation lors du retraitement, des actinides, des produits de fission d'un côté qui vont aux déchets, du reste qui est valorisable, c'est-à-dire l'uranium et le plutonium. Ces ces déchets-là sont vitrifiés. C'est ceux qui contiennent, je dirais, 95% de toute la radioactivité générée par l'activité industrielle. Et ça représente un volume beaucoup plus très faible en réalité. Pour donner un ordre de grandeur... C'est ça, je voulais vous poser la question du volume de ces... Parce qu'on on a parlé des différents volumes. Évidemment, plus on monte en haute activité, plus les volumes décroissent de manière assez significative. Absolument, absolument. On est à front renversé. Mmh. En réalité, 95% de la radioactivité est contenue dans 3% du volume des déchets. Pour donner un ordre d'idée, ces colis de verre qui ont été générés depuis le début de l'industrie nucléaire en France, tous tiendraient dans une piscine olympique. Donc depuis 60 ans de nucléaire civil. Je parle de nucléaire civil. Hein. Absolument. Ok. Absolument. Voilà. Marcos Bouzard, une réaction peut-être à ces procédures que vous venez d'entendre dans le reportage. Oui, c'est intéressant. Peut-être en premier, je dirais, c'est effectivement la description de Monsieur Bonin, c'est la description, disons, du système français. Si vous allez, par exemple, dans les pays comme l'Allemagne, la Suède, les États-Unis, la Suisse, etc., ils ont abandonné tous ces pays, ils ont abandonné le retraitement des combustibles. Et dans ce cas, toute la problématique, disons, des déchets change complètement. Donc, oui. Vous n'avez pas les combustibles usés qui sont retraités dans des acides nitriques, donc où vous extrayez l'uranium et le plutonium, mais vous avez les barres de combustible entières qui sont conditionnées dans des grands colis en acier ou recouverts partiellement par du cuivre. Et ça, c'est le plan, disons, qui serait ensuite aménagé en profondeur vers un stockage définitif. Donc tout ça, c'est la musique, disons, je dirais, du futur. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Tous ces déchets sont dans un stockage intermédiaire, donc dans des halles spécialement gardées. Et en attendant, dans les prochaines, je dirais, 40, 60, 100 ans, à être ensuite aménagé en profondeur. Alors pour les autres déchets, je dois dire, c'était très intéressant d'écouter, disons, les méthodes de conditionnement. Maintenant, si vous le voyez, par exemple, d'une optique, disons, d'un stockage définitif en profondeur, c'est très bien de faire toutes ces opérations, mais il faut être conscient que tous ces matériaux, ils mûrissent, ils vieillissent et ils changent. Donc, nous avons effectivement des problèmes, tout d'un coup, en profondeur, qui peuvent y arriver. Par exemple, les métaux et, par exemple, aussi les résines, dont on parlait déjà, produisent du gaz. Alors, si vous êtes en milieu étanche, ou comme, par exemple, dans le cas d'une argile ou d'un sel, ou ça génère des problèmes. Donc la production de gaz nous amène à éventuellement devoir accepter qu'il y aura des fissures créées par la surpression de gaz. Donc je dis les méthodes, c'est ce que je disais au début, la radioactivité, c'est pas seulement la seule chose, c'est aussi les enveloppes, les matériaux de support que vous utilisez et qui peuvent faire des problèmes à long terme lors de leur stockage. Et on va parler dans quelques instants et dans quelques secondes précisément de ce stockage profond, des différentes solutions techniques et à moyen, à long, mais surtout à très long terme, voir comment on s'organise pour les prochaines générations. pleurer. Radioactivité. Comment éviter Kraftwerk, Radioactivity sur France Culture à 16h40 quand nous parlons, eh bien évidemment, de radioactivité, d'enfouissement profond des déchets nucléaires. Nous en parlons avec Bernard Bonin, ancien directeur scientifique du CEA, membre du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et avec Marcos Buzer, qui est géologue, ancien membre de la commission fédérale de sécurité nucléaire en Suisse et qui est avec nous en ligne depuis Zurich, mais à mi-parcours, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Charlie Carrière. Bonjour. Bonjour. Vous avez soutenu votre thèse au laboratoire CEA-CNRS Archéomatériaux et prévisions de l'altération. Vous travaillez sur l'influence de la corrosion du fer sur les processus d'altération du verre, approche analytique multi-échelle. C'est à vous. Bienvenue à la recherche montre en main. Voilà, merci. Donc, vous avez bien résumé ma présentation. Donc, rapidement, un mot à propos donc du contexte, hein, mais je crois qu'on l'a déjà vu assez aujourd'hui. Donc, les déchets radioactifs sont issus donc de l'industrie électronucléaire, mais proviennent également de la recherche, de la médecine, de la défense, etc. Et dès lors que ces déchets existent, finalement, la question, c'est de savoir comment assurer la sécurité des populations et de l'environnement vis-à-vis de la radioactivité. Donc on l'a vu également, tous les déchets ne sont pas tous équivalents du fait de leur niveau de radioactivité et de la durée pendant laquelle ils seront radioactifs, ce qui implique que leur gestion n'est pas la même pour tous les déchets. Alors pour les déchets radioactifs dits de haute activité, l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, souhaite s'appuyer sur un système de stockage en couche géologique profonde à 500 mètres de profondeur dans l'argile. Donc ça, c'est le projet nommé CIGEO qui pourrait être situé à Bure, donc entre la Meuse et la Haute-Marne, qui s'appuie sur un système multibarrière, un peu à l'image des poupées russes. C'est-à-dire que les déchets radioactifs de haute activité pourraient être vitrifiés donc au sein d'une matrice de verre, hein, immobilisée. Et donc cette vitrification, elle a lieu dans un conteneur en acier inoxydable, et cet ensemble conteneur en acier inoxydable avec les déchets vitrifiés sera placé dans un conteneur, dans un surconteneur en acier au carbone. Et cet ensemble, ce colis de déchets, sera placé dans des alvéoles creusées dans l'argile, donc à Bure, à 500 mètres sous terre. Et donc finalement, cette succession de barrières, elle a pour objectif d'empêcher ou retarder l'arrivée de l'eau jusqu'aux déchets radioactifs. Alors cette eau, elle est présente dans tout notre environnement et elle est susceptible de provoquer la corrosion des différents conteneurs métalliques, de parvenir jusqu'au verre et d'hydrolyser le verre, ce qui aurait pour effet de relarguer des radionucléides dans l'environnement. Alors ça, hein, je précise, c'est dans le pire des scénarios. Et donc l'une des problématiques finalement, c'est de comprendre les mécanismes d'altération du verre et de l'acier au contact de l'eau pendant des durées multiséculaires. Et plus spécifiquement, de comprendre les synergies qui peuvent exister entre ces différents matériaux. Alors pour ça, on a mis en place des expériences verre-fer-argile qui simulent colis de déchets. Donc ce sont nos échantillons qui ont été altérés dans l'argile située à Bure, dans le laboratoire souterrain de l'ANDRA à 500 mètres sous terre, au contact de l'eau. Et donc on se place volontairement dans les pires conditions, c'est-à-dire que l'eau altère en même temps le verre et le fer. Parce que je rappelle hein, que le système multibarrière, que j'ai symbolisé par les poupées russes tout à l'heure, est là pour s'opposer au passage de l'eau. Et donc, à l'issue de l'altération de nos échantillons, qui a duré plusieurs années, on vient regarder la façon dont le verre et l'acier se sont altérés ensemble au contact de l'eau. Alors pour ça, on a mis en place une méthodologie d'analyse multi-échelle, multi-technique. Alors en fait, c'est-à-dire qu'on fait des analyses structurales et des analyses chimiques pour caractériser l'altération conjointe du verre et du fer. Donc à l'aide des outils analytiques, tels que la microscopie optique, la microscopie électronique, à balayage, à transmission, ou à des techniques de spectroscopie, notamment sous rayonnement synchrotron, on va pouvoir comprendre comment ces matériaux se sont altérés dans le temps. Alors, lorsque ces matériaux, donc l'acier et le verre, sont pris séparément et qui ont été altérés au contact de l'eau, on voit qu'ils se passivent, c'est-à-dire que l'altération diminue fortement. Et en fait, lorsque ces deux matériaux, le verre et l'acier, sont altérés ensemble au contact de l'eau, on voit qu'il y a de nouvelles espèces qui vont se former. Et ces espèces, elles sont formées principalement de silicium et de fer, qui proviennent respectivement de l'hydrolyse du verre et de la corrosion de l'acier. Et en fait, ces nouvelles espèces, elles modifient les équilibres chimiques nécessaires à la passivation du verre et de l'acier. Et donc, elles peuvent retarder cette passivation souhaitée. Et donc, en conclusion de ces travaux, ces différentes informations issues de ces expérimentations, en fait, sont des paramètres clés qui vont permettre d'appréhender l'évolution du comportement du colis de déchets. Et en fin de compte, ces données, elles devront être intégrées afin de modéliser le comportement du colis de déchets pendant des durées finalement multiséculaires. Et on a, par exemple, comme modèle, le modèle Graal qui avait été initié par Monsieur Bonin. Donc voilà, des modèles qui sont toujours existants et qu'on vient compléter au fur et à mesure à l'aide de nos expérimentations. Merci beaucoup Charlie Carrière, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Une réaction rapidement à ces travaux, Bernard Bonin? Oui, j'en suis pas le seul auteur du modèle Graal, je veux le préciser. Hein. C'est une œuvre collective. Mais effectivement, oui, j'ai travaillé sur la question. Oui, et donc, j'ai rien à dire là. Charlie Carrière a résumé la philosophie qui sous-tend un stockage profond en expliquant ce que c'est que ce fameux concept multibarrière qui vise à retarder l'évasion des radionucléides du stockage vers la biosphère. Mais par contre, peut-être faut-il compléter ce qu'a dit Charlie sur toutes ces barrières, parce qu'il s'est concentré sur la première des barrières, à savoir la matrice de confinement constituée par le verre pour les déchets de haute activité. Il y a d'autres barrières ensuite derrière celle-ci. En particulier une barrière ouvragée, c'est-à-dire que le verre lui-même est enfermé dans un surconteneur qui permet la manipulation du colis, mais ce surconteneur a aussi pour objectif d'assurer une protection physique à ce verre, et en particulier de retarder l'intrusion d'eau vers le verre, puisque, on l'a compris, l'ennemi c'est l'eau, parce que l'eau est le vecteur du retour de la radioactivité vers la biosphère. Et enfin, alors là, il faut insister sur une barrière très importante, qui a derrière la matrice de confinement et la barrière ouvragée, c'est la barrière géologique. La barrière géologique qui, en l'occurrence, est constituée par le milieu géologique lui-même, qui n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il s'agit d'une couche d'argile du bassin parisien. Pour les expériences. Pour les expériences. Je parle du laboratoire souterrain, là. Alors, justement, là, un tout petit mot sur le voyage de l'eau à travers cette barrière géologique, là. On a affaire à de l'argile qui a été choisie pour son imperméabilité. Et là, n'étant pas géologue... On va poser la question à Marcos Bouzer dans un instant, puisqu'on a envie qu'il est géologue. Si vous voulez, oui. En tout cas, j'insiste sur le fait que le voyage de l'eau à travers une couche d'argile comme ça est extrêmement lent. Et typiquement une fraction de millimètre par an. Marcos Bouzer, un mot sur les travaux de Charlie Carrière et justement sur cette fameuse dernière barrière géologique que constitue l'argile. Oui. Je trouve que toutes ces expériences qui sont faites sur toutes les barrières et qui sont faites aussi, par exemple, dans des laboratoires, soit à Bure, soit dans le laboratoire du Monterrey, ici chez nous en Suisse, c'est des expériences toujours très intéressantes, mais il faut être conscient, c'est des expériences à petite échelle. Et le changement à grande échelle pose toujours un grand problème, en matière de transfert, du résultat. Est-ce que ce qui se passe à petite échelle sera exactement ce qu'on a à grande échelle? Et là, souvent, c'est ce qu'on appelle upscaling. C'est souvent ici qu'on trouve les premiers problèmes. Mais pour passer maintenant, disons, à la barrière géologique, là aussi, disons, bien sûr que les argiles ont des qualités, les argiles choisies à Bure ou les argiles à Opalinus, c'est des argiles qui sont relativement, je dirais, imperméables. Donc, côté transport, diffusion, advection, disons, de radioactivité, de radionuclides dans ces matériaux, c'est très faible, c'est juste, mais il y a un point faible dans tout ce système, c'est le dépôt lui-même. C'est-à-dire, vous creusez des galeries, vous devez les stabiliser, par exemple, le béton pour les faire tenir durant toute l'exploitation. Vous avez ensuite toute la stabilisation aussi avec des métaux qui corrodent. Vous avez tout l'endommagement de la roche quand vous creusez, ce qu'on appelle excavation damage zone, donc la zone endommagée par le creusement. Donc vous avez un affaiblissement, disons, du système par la construction de votre maison au souterrain. Et c'est-à-dire, c'est par ici, effectivement, qu'il y a les risques, à mon avis, les plus grands qu'un concept qui ne tient pas la route puisse affaiblir le dépôt de façon à ce que les eaux rentrent justement dans dans ce dépôt final. Nous ne sommes pas encore, pour tout ce qui est la fermeture, disons, de ces galeries et les galeries d'accès, nous sommes aujourd'hui pas encore en mesure de garantir la sécurité long terme. Dernier point, rapidement, qui me paraît extrêmement important, c'est toujours cette partie technique, mais il y a aussi une partie sociale dans tous ces concepts, et c'est la partie sociale, disons, de ces concepts. Est-ce que les générations qui vivent en dessus, est-ce qu'ils acceptent ces solutions, oui ou non? Et c'est pas l'éthique, c'est une question, disons, de base. Si, par exemple, d'ici à 2 ou 3 générations, il y a pas un changement de paradigme où des générations disent, c'est ce qu'on voit aussi dans les déchets conventionnels, on va pas accepter que des déchets de ce type-là soient déposés en 500 mètres de profondeur. Donc ça, c'est un dernier point qui, à mon avis, va susciter la discussion dans le futur. Bien sûr. Il y a deux... Alors, je vais vous demander d'être un peu rapide parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais justement qu'on pose la question de la réversibilité dans les premières centaines d'années. Mais avant cela, c'est vrai qu'il y a deux exemples contradictoires, Bernard Bonin. Il y a des exemples naturels. On peut évoquer l'histoire de cette mine au Gabon, au Clos, et qui laisse penser que finalement, naturellement, on peut contenir pendant des centaines de millions d'années de la radioactivité. Et d'un autre côté, il y a les exemples historiques récents, on parlait de WIPP tout à l'heure, qui rencontrent des problématiques très rapidement au bout d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Se fonder sur l'exemple naturel ou sur les échecs relatifs des solutions d'enfouissement sur un terme relativement court? Je pense qu'il faut tenir compte des deux. En réalité, les stockages profonds, c'est des artefacts qui sont de nature un peu exceptionnelle par la durée sur laquelle on veut pouvoir prévoir leur comportement. C'est pas comme un pont ou une usine où on parle de dizaines d'années, voire de siècles. Là, on parle de centaines de milliers d'années. Comment prévoir? Alors, bien entendu, on fait des expériences de courte durée, à petite échelle de temps et d'espace, dans les laboratoires souterrains, mais ça ne suffit pas à démontrer par A plus B. Aucun spécialiste ne se hasardera, n'aura l'autre cuidance de démontrer la sûreté par A plus B d'un stockage profond. Il se fondera plutôt sur un faisceau convergent d'indications, c'est plus modeste. La nature a fait pour nous des expériences sur des longues échelles de temps qui permettent de conforter ce faisceau d'indications. En particulier, vous l'avez cité, Oklo, qui est une ancienne mine d'uranium au Gabon, où on a réalisé que finalement des réactions nucléaires avaient eu lieu naturellement il y a 2 milliards d'années, à une époque où l'uranium naturel était suffisamment riche pour pouvoir générer des conditions de criticité et faire des réacteurs naturels qui fonctionnaient d'ailleurs dans des conditions de pression et de température assez proches de ceux des réacteurs EDF actuels, à ceci près qu'ils étaient à un millier de mètres de profondeur sous le sous-sol. L'enseignement de ces analogues naturels est riche parce que ça permet de se conforter, au moins sur cet exemple-là, dans l'idée que l'uranium, par exemple, n'a pas migré depuis les 2 milliards d'années. La preuve, on le retrouve encore à l'heure actuelle. Et cet uranium est exploité sous forme d'une mine. Mais ça, c'est une forme naturelle qui s'est équilibrée avec le temps. Quand on voit, encore une fois, pour commenter rapidement, notamment l'exemple de WIP et des accidents, des deux accidents qui ont conduit à la fermeture temporaire en 2014 de ce site d'enfouissement qui a fini par réouvrir, ça veut dire que pour le moment, on n'a pas encore la maîtrise suffisante. Oui, je pense qu'il faut porter un soin tout particulier au choix de la barrière géologique, c'est-à-dire au choix de la roche haute. Pour le stockage profond et en particulier Marcus Buser l'a dit très très clairement et très justement à mon avis, l'ennemi c'est les fissures parce que c'est par là que l'eau risque de s'infiltrer et de retourner vers la biosphère. Marcus Buser, un mot à ce propos et un mot de conclusion également. Oui, je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, c'est-à-dire il nous faut du temps. Et c'est à cause de ça, Monsieur Bonin l'a dit, il y a deux philosophies, du moins en France, qui sont acceptées, celle d'un stockage, je dirais, d'une philosophie rapide à exécuter, et une autre qui dit laissons-nous le temps. Et après, personnellement, plus de 40 années, disons, d'expérience sur ce domaine, je penche de plus en plus sur cette deuxième philosophie parce que je pense qu'on n'est pas aujourd'hui encore en mesure, disons, d'effectivement voir ce qui se passe dans un système tellement complexe qui réunit des conditions géologiques, des conditions de changement de matériaux, des conditions aussi de changements sociaux, parce que vous ne savez pas comment les sociétés vont évoluer, et je l'ai dit, s'ils ne veulent pas reprendre, donc récupérer ces déchets pour en faire une autre chose. Merci donc, beaucoup, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, merci Marcus Buser d'avoir été avec nous en ligne depuis Zurich, merci Bernard Bonin, merci Charlie Carrière d'être venu vous présenter les travaux. Il y a encore beaucoup de choses à dire, on n'a même pas eu le temps de parler de réversibilité, ça voudrait dire qu'il faudra faire une autre émission, on n'a pas le choix, on en reparlera. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Alice Seyed aujourd'hui à la technique. Demain, si antenne il y a, nous attaquerons à un pic, à un rock pour un jeudi consacré, comme vous le savez, à l'histoire des sciences. Nous parlerons d'Albert Einstein et de la formulation de la relativité générale. Rendez-vous peut-être demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.